Je remets la batterie. Ça calé. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. 1, 2, 1, 2, 3, 4. elle s'envole à travers nous. C'est une force. J'ai pas eu le temps.